Chapitre 5e. Il y avait assez longtemps que le deuil du vieux Ducray était porté. On pouvait bien enfin inaugurer l'hôtel de la rue d'Offémont. C'était le grand jour pour Cousinette. Elle répétait à son père. « Tu sais, papa, c'est mon émission à moi. Ne faisons pas four. » Jusqu'alors, chose curieuse, Guillemard avait toujours répondu à sa fille lorsque Raymond lui parlait de cette fameuse soirée remise à 6 mois. « Tu y tiens. À quoi bon? C'est bien du tracas. » Puisqu'elle est tombée dans l'eau au printemps, qu'elle y reste. Et maintenant, tout à coup, avec un empressement singulier, il acceptait de fixer un jour prochain cette fête dont il semblait jusque-là se soucier fort peu. Raymond n'attachait pas grande importance à ces revirements d'opinion de Guillemard. Papa refusait, papa acceptait, papa poussait même à rapprocher la date. Très bien, elle n'en demandait pas davantage. « Et que ce soit très réussi !» dit-il à sa fille brusquement. « Je veux qu'on en parle. » La jeune fille était stupéfaite. « Oh, mais papa, tu deviens gommeux. Si tu veux que M. Lacoste te donne son avis. »« Merci, j'ai Louis, » dit Raymonde. Guillemard se grattait l'oreille. « Il ne te plaît donc pas, M. Lacoste ?»« Si, il est très gentil. »« Est-ce que tu conseillerais à une de tes amies de l'épouser ?»« Parfaitement. Qu'est-ce que ça me ferait ?»« Mais si une amie me conseillait de devenir sa femme, ah, alors ?» Elle regarda gentiment son père et ajouta « Non, ce n'est pas mon type. » Guillemard parut contrarié, mais lui non plus n'attachait pas trop de valeur aux boutades de sa fille. Il reviendrait à la charge une autre fois. Dans sa pensée, il était temps que Raymond se mariât. Il n'y avait jamais songé sérieusement. Elle lui semblait toujours fillette. C'était hier qu'elle jouait encore au cerceau. Pour le gros homme, la vie avait passé comme une muscade. Mais par la raison qu'il voulait rapprocher la date de la fameuse fête, il voulait en même temps marier Raymonde. À de certains symptômes vagues, il devinait qu'il ne pouvait arriver plus haut qu'à la situation présente. Il lui prenait des inquiétudes qu'il n'avait jamais connues. Est-ce qu'il vieillissait, l'homme fort, le gros, le grand Guillemard? Si Lacoste lui plaisait, c'était d'ailleurs tout bonnement parce qu'il gagnait beaucoup d'argent et qu'il n'était pas dans les affaires. Un peintre à la mode, c'est un fin gibier chassé par les beaux-pères. Mais il ne contrarierait jamais Raymonde. Il lui demanderait seulement de se décider. À quoi se décider? Raymonde aimait-elle quelqu'un? Cette gentille linotte parisienne avait-elle un sentiment profond et vrai? Une tocade, peut-être. Comme elle le disait à André, une espèce de caprice de jeune fille trouvant à son gré Olivier Giraud, sans savoir pourquoi. Tout simplement parce que celui-là ne ressemblait pas à tout le monde. Mais plus de fumée que de feu, dans cet amour-là qu'une brise ferait envoler, fumée disparue même, sans doute. Non, décidément, Raymond n'aimait personne. Se marier, pourquoi? Une femme se marie pour être libre. Elle était libre sans être mariée. Elle allait partout, voyait tout, lisait tout, laissait courir sur ses lèvres tout ce qui lui passait par la tête. Elle se marierait le plus tard possible, et elle s'amusait en attendant des plaisanteries ou des regrets du cousin Louis, tout en se disant qu'Olivier était charmant. Oh, charmant, charmant. Et c'était tout. Ce qu'elle aimait, elle sentait bien dans l'éblouissement de l'inauguration de l'hôtel que c'était ce bruit, ce luxe, toute la poussée des opulences parisiennes accourant rue d'Offémont à l'invitation de Guillemard. L'hôtel flambait, toutes les fenêtres, rouges de lumière, sous un ciel très clair, moucheté d'étoiles. Les voitures s'engouffraient dans la large porte d'entrée, devant laquelle des sergents de ville de planton veillaient sur le défilé. Sous la véranda, dans un fouillis de fleurs roses, les invités descendaient, les souliers de satin des femmes posant sur un tapis et pénétraient dans le vestibule aux immenses tapisseries à figures, transformées en un vestiaire où des laquais et des femmes de chambre s'empressaient autour des arrivants. Puis, par un large escalier à la rampe de fer dorée et historiée, entre des touffes de camélias et de roses, on montait jusqu'à la galerie où se pressaient les aristocraties de l'argent, du talent, du nom, du pouvoir, toute la litanie des chroniques mondaines. On étouffait. Louis disait « Si ce n'est pas l'almanach Gotha, c'est l'almanach Bottin, c'est superbe !» Guillemard rayonnait. Sa face rousse sur sa cravate blanche éclatait d'une joie ardente. Il y avait des fanfares dans sa voix, de la poudre allumée dans ses yeux gris. Il tendait, à ceux qu'on annonçait, sa large main solide, et des « Que je suis content !»« Ah, mon cher, bien aimable !»« Ah, te voilà !»« Et vous aussi, mon cher baron !»« Monsieur le préfet, j'ai bien l'honneur !»« Monsieur le sénateur !»« Mon cher député !» Mon vieux Molina. Mon cher Olivier. On s'empressait autour de Raymond, adorablement jolie dans sa toilette blanche, très simple, ses bras mignons, plus blancs que sa robe, le cou bien dégagé, et ses beaux cheveux roux relevés au-dessus de la nuque. Elle disparaissait presque dans un cercle de madrigaux. Heureuse, son gentil visage coloré doucement d'un orgueil gai, elle se multipliait, allait, venait, jetait un compliment à une femme, un mot aimable au premier venu, sans le connaître, épiait les noms annoncés, disait « Ah !» et improvisait lestement à son tour une gracieuseté pour le politicien qui la saluait ou le reporter qu'il fallait flatter. Elle cherchait d'abord avec persistance Louis Ribert dans cette foule, et tout bas. « Tu sais, je ne connais pas le quart des gens que j'ai invités. Montre-les-moi. » Et comme un guide détaillant les beautés d'un musée, Louis énumérait, en riant, les titres, les noms, les œuvres. Il s'apercevait avec stupéfaction qu'il connaissait tout et tout le monde, financier au pinacle, ministre au pouvoir, ou excellence redevenue médiocrité, chroniqueur, académicien, banquiers étrangers, peintres, députés, et les Yankees, et les Allemands, Slocklight qui caressait sa barbe blonde, et Schwartzheim qui regardait tout par-dessus ses lunettes. Et dans la banalité d'une réception sans intimité, écrasante de luxe, tout ce monde se saluait. Les gants blancs serraient les gants blancs, les habits noirs coudoyaient les habits noirs. Dans un second salon, les femmes, assises déjà, attendaient, rangées et encaquées, la lumière du lustre baisant leurs épaules. Le concert annoncé, un concert superbe avec programme sur parchemin et dessin de Lacoste. Fauré, Mademoiselle Van Zandt, les Coquelins jouant ensemble un proverbe inédit et chacun un monologue, l'inévitable monologue, le monologue de toutes les réunions, de toutes les représentations à bénéfice, de toutes les réceptions ministérielles, toujours attendues, toujours drôles. « Signe des temps, » disait Louis, « on dira de nous, ils n'ont rien produit que des monologues. » Et déjà, dans le brouhaha de cette foule, autour du buffet assiégé, les brocs de champagne et de sirop désaltéraient des soifs effroyables. Les sorbets et les sandwichs disparaissaient dans un assaut d'appétit, tandis que derrière, graves et dignes, les domestiques, tout en servant, contemplaient avec le dédain de gens momentanément sobres les boulimies et les ardeurs de cette foule ruée vers la salle à manger. À bien écouter, ils eussent entendu d'ailleurs des railleries sortir de la cohue affamée. Ce buffet attaqué par toutes les mains, on s'en moquait. Ce champagne saisi dans les coupes comme au passage, par des doigts tendus, on l'analysait, on le critiquait, on le gouaillait en l'abordant. Les mots boulevardiers, l'esprit facile du Parisien qui se croit drôle, partaient comme des lazzis de gamins. Excellent les petits fours. On voit que la Société Générale n'a pas fait four, elle. Il ne manquerait plus que ça qu'il n'y eût pas un bon buffet chez le roi de la Boustifaille. Tout ça, c'est des échantillons que Guillaume Ardenne imprime. Et, au-dessus de ces niaiseries débitées entre deux gorgées de mouette ou deux bouchées de baba, les accords lointains d'une musique montaient comme une brise fraîche au-dessus d'un coassement de marécages. Là-bas, Mozart soupirait, et la chanson de Chérubin passait comme une caresse du vent de mai sur les primes verts. Ici, on se poussait, on riait, on blaguait. Et Guillemard jetait ainsi au vent une poignée de banknotes pour qu'on ricanât de lui, près de lui, chez lui. « Très parisien, » eût dit Louis Ribert. Victor s'était demandé un moment s'il irait rue d'Offémont. Il se sentait malade, des lourdeurs de tête, un peu d'étouffement au cœur. Mais il s'était raidi courageusement, voulant, pour s'étourdir lui-même, se donner le spectacle de ce luxe lancé par Émile à la face de tout Paris. Plus Émile était riche, moins Victor était coupable. Il avait besoin de se dire, de se prouver à lui-même, que Guillemard avait une fortune insolente, hardiment affichée, et qui défiait tout. D'ailleurs, Geneviève était si heureuse de se montrer, et si belle dans sa robe de satin rose. La sœur aînée, oui, la sœur de cet André, dont la tresse blonde roulait sur ses épaules, et qui, jolie à ravir, une fleur dans ses cheveux, très gaie contre son habitude, rayonnait parce qu'elle voyait son père rajeuni avec cette cravate blanche, cet habit qui le serrait à la taille et lui donnait l'air d'un jeune homme, et puis peut-être aussi parce qu'elle savait bien que chez Guillemard elle allait revoir Olivier. Une pensée lui venait, attristée, depuis qu'Olivier Giraud avait parlé de s'en aller, elle ne savait où, en Belgique, dans cette mine. Il lui semblait qu'Olivier parti, loin de Paris, c'était un appui, une affection qui lui manquerait. Pourquoi voulait-il partir? Pour la fuir, peut-être? Elle y songeait, pendant le chemin, dans la voiture, puis se disait, en regardant son père, qu'une animation fiévreuse égayait par hasard. « Il va mieux, mon pauvre père. Que de m'importer le reste ?» Geneviève aussi éclatait de joie, un peu piquée pourtant de savoir que c'était Guillemard qui faisait rouler vers la rue d'Offémont tous ses équipages rencontrés sur le boulevard Malesherbes et dont les lanternes à biseaux filaient en éclairant la nuit. Mais dans ce succès du gros Émile, elle allait avoir son succès de femme. Elle se savait en beauté. Victor et André le lui avaient dit. Une expansion heureuse épanouissait encore sa grâce faite pour le bonheur certain. Elle eût été pâle de jalousie autrefois, en montant, dans les fleurs, sous le plafond où un tiepolo étalait sa couleur, cet escalier de Guillemard. Maintenant elle le gravissait, marche à marche, tenant haut sa jolie tête brune, comme une reine. Elle répondit par un beau sourire satisfait, doucement fier, au sourire éclatant d'Émile qui semblait dire, dans le flamboiement de son orgueil, « Eh bien ?» Eh bien, elle n'enviait plus rien. Son luxe lui suffisait. Et pourtant, ses lumières, ses toilettes, cette musique, cette atmosphère de somptuosité un peu neuve, mais étincelante, ses tapisseries, ses tableaux, ses draperies, cette richesse vraie où l'on sentait l'œil et la main de Louis choisissant et dirigeant tout, lui plaisait singulièrement. Elle était assise au premier rang, tout contre le tas d'habits noirs laissé debout, et elle regardait plus qu'elle n'écoutait. Auprès d'elle, correcte, son claque à la main, le monocle à l'œil, très délicatement frisé au petit fer, ses fines moustaches de reître et ses favoris imperceptibles aux deux côtés de la joue, le marquis de Lansac, l'amant de la comtesse de Barge, le marquis tant de fois rencontré à Dieppe par Raymonde, si charmant et si galant, pur, très pur, compromettant mais lançant aussi une femme, le marquis. Monsieur de Lansac lorgnait agréablement Geneviève et elle se sentait à la fois mal à l'aise sous ce regard acharné, persistant et comme flattée de l'attention du jeune homme dont elle entendait le nom passer sur les lèvres des femmes, derrière elle, à côté d'elle. Monsieur de Lansac, ah oui, oui, le héros de ce procès. Pauvre petite comtesse de Barge, au couvent maintenant, et lui. Lui, toujours lui. Et elle avait bon goût, il est charmant. Pendant que montait dans ce salon la romance du Cherubino d'Amore, Geneviève rêvait et tout à côté de monsieur de Lansac, exactement cravaté comme le marquis, avec le même nombre de boutons réglementaires au plastron de la chemise, Edmond Lacoste contemplait Raymonde indifférente, comme Lansac détaillait madame Ribert, très amusée et toute contente. Le marquis offrit même son bras à Geneviève pour la conduire au buffet. Elle accepta, très retardée, pendant que Lacoste s'approchait de Raymonde et la félicitait de la splendeur de sa fête et de l'admirable arrangement de l'hôtel. « Le mien, dont je suis très fier, cependant, mademoiselle, disait le peintre, n'a pas ce caractère, je l'avoue, et pourtant j'ai des projets étonnants et étourdissants. Je voudrais, réveillant les vieilles mœurs chevaleresques, donner dans mon jardin des carrousels, des tournois. » « Des tournois ? » Alors, dit Raymonde en riant, « N'invitez pas Montgomery, il a la lance malheureuse. »« Très joli, oh, très joli !» Il eût voulu répliquer par un madrigal, mais Raymonde était déjà loin, passant de ça de là, à travers tout ce monde, avec une rapidité de papillon. Edmond alors chercha des yeux Guillemard. Le luxe d'habitation et le tapage insensé que faisait la Société Générale d'Alimentation décidaient Lacoste un peu hésitant. Il se sentait de soudaines aspirations vers le mariage. L'idée d'unir son hôtel à celui-là lui plaisait. Assez fin pour deviner que le banquier avait un moment pensé à lui, et qui sait, y songeait peut-être encore. Il allait laisser tomber adroitement, dans l'oreille de Guillemard, que, trop prolongé, l'état de célibataire était à la fin ennuyeux pour un artiste. Plus qu'à tout autre, il lui fallait le foyer, la consolation intime, le bonheur paisible, etc., etc. Il voulait trouver Guillemard pour lui parler sans avoir l'air de rien. Un mot jeté dans ce brouhaha qui permettrait de supprimer l'exorde. On ne pouvait guère trouver, dans l'hôtel où l'on se tassait, que des semblants de solitude. André avait pourtant, en apercevant Olivier, pris le jeune homme à part, doucement, et de sa voix qui tremblait un peu lui demandait « Est-ce vrai ce que vous avez dit l'autre jour chez nous ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais que vous partiez, que vous vouliez partir ?» Il était évidemment troublé, sa lèvre qui voulait sourire tremblait. « Oui, c'est vrai, je voudrais quitter Paris. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous n'avez donc rien qui vous y retienne ? Si, un coin de terre avec une pierre et un nom, mais je ne l'abandonne pas, je reviendrai là. » « Je sais bien, » dit André, son joli visage mélancolique devenu rose. « Mais ici, il ne restera donc personne que vous regretterez, personne ?» Elle avait dit cela timidement, la voix très basse, dans ce bruit de rire, mais elle lui parlait plus bas encore qu'Olivier l'eût entendu. Il leva sur elle ses yeux noirs, la regarda un moment, et la voix mal assurée, mettant tous ses espoirs et toute sa vie dans cette prière, que ceux-là qui me voient partir et que je regrette me disent de rester et je ne partirai pas. » André maintenant était toute blanche, comme la rose qui parfumait ses cheveux blonds. Elle sentit que la main d'Olivier instinctivement cherchait sa main, touchait en tremblant le bout de ses doigts et comme mourante, mais avec un sourire, elle dit doucement « Restez ». Il crut qu'il devenait fou de joie. Tout ce monde pour lui disparaissait. Il n'y avait plus dans le vaste hôtel que cette jeune fille. Il voulait lui dire tout ce qui montait à ses lèvres de dévouement et de tendresse. Elle avait déjà disparu, emportée dans le flot des invités comme dans un tourbillonnement de valse. Elle avait eu peur d'elle-même, de cet ordre qu'elle venait de donner, de cet aveu qu'elle laissait tomber, et elle s'enfuyait à travers cette foule où elle se sentait seule et heureuse, heureuse d'avoir jeté le secret de son amour. Le concert finissait là-bas. Et à travers les salons, le hall immense, la galerie, ces gens tassés circulaient, poussant et poussés, comme dans une ouverture d'exhibition, un magasin de nouveautés, une foire aux tableaux, une kermesse ou une première à sensation. Rien de doux et de vrai, pas une affection, pas un sentiment de sympathie ou de sincérité. Des yeux avides ou jaloux, ouverts sur les œuvres d'art étalées, des sourires narquois, discutant silencieusement, l'authenticité des bibelots et des tableaux accrochés, quelque chose comme le roulis de curiosité devant les objets laissés par Ducret, avec cette différence que ses banalités et ses ricanements, Émile Guillemard en était l'hôte. D'ailleurs, hospitalité donnée comme elle était reçue, par ostentation et par chic, pour étonner et paraître. L'amphitryon recevait tous ces gens pour qu'on parlât de lui. Il se poussait chez Guillemard pour qu'on parlât d'eux. Tous eussent ramassé jusque sur le parquet le bout de crayon de ce reporter qui notait les noms dans un coin. Guillemard, en cette mer montante d'invités qu'il n'avait jamais vus pour la plupart et qu'il ne reverrait jamais, disparaissait peu à peu comme un noyé sous chaque vague nouvelle. Toujours, toujours, la file des coupés continuait devant l'hôtel et jetait sur les tapis de l'escalier de nouveaux couples. « Ah ça !» disait Louis à Raymonde. « Tu as donc invité non seulement tout Paris, mais tout le monde ?» Et s'arrêtant pour regarder sa jolie cousine, il ajoutait « Elles ont beau être nombreuses et jolies, jolies, toi, tu es encore la plus gentille, avec tes cheveux d'or et tes épaules blanches, tu as l'air d'un rayon de miel sur une tasse de lait. » Il y avait tant de monde, en effet, que Molina, qui arrivait tout justement, l'air effaré, congestionné et les yeux lui sortant de la tête, ne savait trop comment trouver Guillemard dans ses salons, avec ses hommes, ses femmes, ce buffet, cette musique, tout un orchestre. « Où est Guillemard ? Avez-vous vu Guillemard ?» Il demandait Guillemard là, chez lui, comme il le cherchait à la bourse. Il s'attendait à ce qu'on lui répondît, là-bas, contre le premier ou le second pilier. C'est qu'il avait une grosse nouvelle, pas gaie du tout, a annoncé à Émile. Il quittait Marie Launay, la danseuse de l'opéra, qui lui servait à connaître bien des nouvelles, et Marie venait tout juste d'apprendre, dans un souper où elle avait rencontré Alice Servier, que tous les titres, ou presque tous les titres non livrés à la société d'alimentation, étaient entre les mains de qui ? De Rodillon. Lorsque Molina, dans la cohue, put saisir Guillemard pendant assez de temps pour lui couler la nouvelle dans l'oreille, Émile devint livide et s'écria « Allons donc, est-ce que c'est possible ? Je te dis ce qu'on m'a appris. Des potins de femmes. Oh, Marie Launay est fine, avec ses yeux de pervenche, et Alice Servier est forte. Je suis certain que c'est vrai. » Tu as moralement giflé Rodillon. Il se venge en faisant une bonne affaire. Mais Stocklight, eh bien, Stocklight, il serait l'homme de paille de Rodillon, voilà tout. Et il est ici, Stockleid. Si ce que tu me dis était vrai, je le flanquerais la porte comme un va-nu-pied, fit Guillemard, le sang aux joues. Des bêtises. Tu donnes cette soirée pour caler ton crédit. Il ne va pas le compromettre par une colère. Le crédit, ajouta Molina. Autrefois, quand un négociant faisait du chic et donnait un bal, les banquiers défiants n'acceptaient plus de son papier. Aujourd'hui, t'es... il faut sauter plus haut que son jarret pour qu'on vous croie solide. Et donc, le voilà, le Stockleid. La tête blonde de l'Américain apparaissait, là-bas, au-dessus des fronts chauves ou des têtes frisées, comme un énorme épi. La bouche du Yankee avait toujours son joli sourire. Guillemard, se sentant comme étourdi, gagna, à travers deux ou trois pièces encombrées, une petite bibliothèque s'ouvrant par une porte dans la boiserie. Il avait besoin d'être seul un moment, de se plonger la tête dans l'eau froide pour paraître plus gai, plus en train et plus alerte. Dans la bibliothèque, il y avait quelqu'un, assis sur un divan. « Tiens, Victor, dit Émile, qu'est-ce que tu fais là ?» Victor Hibert, en le voyant, avait tressailli. Il répondit « Tout ce bruit, j'ai mal à la tête. Je n'ai pas voulu partir à cause de Geneviève qui s'amuse, alors je suis venu ici. C'est Louis qui m'y a conduit. Superbe ton hôtel. Et ce petit retrait, charmant. Il y a un goût, n'est-ce pas ?» Guillemard répondait comme un homme troublé. Victor parlait avec de l'embarras dans la voix. Le banquier ouvrit une sorte de crédence, y prit, dans une buire de cuivre, une serviette qu'il trempa dans de l'eau parfumée et se passa un coin de linge mouillé sur les tempes, puis, derrière ses oreilles rouges comme des cerises et sous les narines. « Est-ce que tu es malade ?» dit Victor, qui s'est élevé. « Non, rien, un étourdissement. Tu sais, j'ai le cou gros, moi. » Il avait l'air bizarre. Il regardait machinalement au plafond, près de la rosace, une lézarde qui faisait un zigzag dans le plâtre frais. Il se mit à rire, prit un candélabre, l'éleva en l'air et dit d'un ton sec avec un ricanement « Ah, c'est drôle !»« Quoi donc ?»« Ça !» Victor regardait la lézarde et tâchait de lire dans les yeux gris de Guillemard. « Si on était superstitieux, pourtant, » dit le banquier, ricanant toujours. « Superstitieux, pourquoi ?» demanda Ribert. « Pour rien. Une mauvaise nouvelle qu'on m'apprend, et cette lézarde-là. » « Ce n'est rien, une lézarde. Pas plus qu'une petite toux dans la poitrine d'un colosse. Mais la petite toux devient phtisie et la mince lézarde écroulement. « Ah, sapristi, de nom d'un chien. Satané Rodion, si je le tenais !» Un froid de glace avait coulé dans les veines de Ribert. Pourquoi Guillemard parlait-il de Rodion ? Pourquoi ce mot, l'écroulement ? Et cet œil étrangement ouvert par Émile sur ce peu de plâtre écaillé, comme si l'effritement eût été un gouffre, Victor Hibert eut le frisson. « Tu sais, Émile, dit-il brusquement, tu sais si un malheur... Quel malheur ? Fit Guillemard reprenant son sang-froid très vite et redoutant presque d'en avoir trop dit. « Ah ça, es-tu bête ? Qu'est-ce qui te parle d'un malheur ? Un embêtement, tout au plus !» Il avait jeté le mot d'un ton vulgaire, irrité. « Là, je suis mieux. Tu restes là ? » demanda-t-il à Victor. « Oui, non. » Ribert avait senti au cœur comme la pointe d'une dent. Guillemard était trop inquiet tout à l'heure pour qu'il n'y eût pas un danger dans sa vie. Un danger immédiat, peut-être. Cette lézarde regardait avec un ricanement effrayé Victor. Si son cousin était ruiné, un écroulement. Tout à l'heure, dans ce luxe, ce bruit, cette cohue et cette joie, Victor Ribert se disait que la restitution de la fortune du mort eût été l'obol d'un pauvre jeté dans le coffre d'un satrape. Guillemard écrasait de toute sa fortune, de la toute-puissance irrésistible de ses millions et de son crédit, non seulement lui, Ribert, mais tous ses financiers, maîtres eux aussi du million qui l'entouraient comme une cour. L'héritage de Ducret, bah, qu'était-ce là dans le ruissellement de cette fortune? Et sa conscience, la lâcheté de sa conscience capitulait encore une fois. Puis, tout à coup, brusquement, un coup d'œil, un cri, un aveu irréfléchi d'Émile, une prunelle à garde fixée sur la lézarde d'un plafond, le moindre appel, l'indice d'un malheur, ce mot effrayant, l'écroulement. L'odeur affreuse d'une catastrophe, tout cela à la fois, sautait à la gorge de Ribert et l'étranglait. Il revoyait, comme le soir du retour des courses, le spectre de Banco Guillemard. Il entendait le rire de Raymonde menacé, ruiné peut-être. C'était impossible, mais l'impossible arrive. Et il se disait « Tu les voles, tu les voles !» Il avait devant lui l'article du code sous lequel tombait l'acte commis comme un crime. Il rentra dans la foule. Cette chaleur le prit à la poitrine, au front. Il étouffait. Il avait hâte de fuir. Il chercha André, lui demanda d'appeler Geneviève. Geneviève quittait cet hôtel plein de bruit, de rire et de parfums comme un coin de paradis. Le regard et le lorgnon du marquis de Lansac la suivaient. « Tu sais qu'il y a un souper, » dit-elle à Victor d'un ton de reproche. « Je sais, mais je suis là, vraiment là. »« Allons, » dit-elle avec un soupir. Dans le coupé qui les emportait vers la rue de Châteaudun, André, enveloppé dans son manteau, cherchait les mains de son père, qu'elle trouvait chaudes, battant la fièvre. « Ah, que c'était beau !» dit Geneviève. Lui, ne voyant rien, hébété, ne se rappelait de cet éblouissement que la lézarde, balafrant d'un trait sinistre le plâtre frais, et cette pensée unique lui entrait dans le cerveau comme un coin de fer. Il faut donc tout dire maintenant, il faut tout rendre. À travers la glace du coupé, Geneviève, de ses jolis yeux brillants, regardait encore l'hôtel Guillemard percé de gros trous de lumière rouge où des ombres passaient et d'où sortaient comme d'un théâtre des bouffées de musique et des sautillements de quadrilles. Comme on s'amusait là-dedans !